L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bienvenue, camarades auditeurs, back in the USSR, de retour en Union soviétique. Ah, zut, ça n'existe plus. En tout cas, vous êtes bien de retour sur Osmose Radio, les amis. Vous êtes bien dans l'heure du loup, comme tous les mardis soirs à partir de 19h. C'est votre playlist Rock and New Wave qui commence. Une heure de musique sombre pour vous accompagner dans la soirée. Et à l'instant, pour ouvrir cette playlist consacrée à la Russie ce soir, c'était les Beatles avec ce fameux titre, Back in the USSR, qui était sorti en 1968 sur leur album éponyme, qui a été repris maintes et maintes fois, mais j'avais envie de vous ramener à la version originale pour le coup. Alors, une playlist consacrée à, pas à l'Union soviétique, hein, vous l'aurez compris, mais plutôt à la Russie et à quelques-uns de ses pays cousins, puisque c'est bientôt le réveillon russe, vu que ces couillons d'orthodoxes le fêtent toujours avec 15 jours de retard par rapport à nous autres à l'ouest. Et quoi qu'il en soit, bah écoutez, on va continuer avec un groupe qui lui aussi fait gentiment un clin d'œil à ce passé soviétique de la Russie, le groupe Soviet Soviet, avec le titre « Something You Can't Forget ». We'll be right back. Soviet, avec le titre Something You Can't Forget. C'est un extrait de l'album Fate qui était sorti en 2013 et c'est un groupe qui n'a absolument rien de soviétique ni même de russe puisqu'il s'agit d'un groupe italien, un groupe de post-punk qui était d'ailleurs de passage dans la région il n'y a pas très très longtemps, je crois me souvenir. Vous êtes de retour dans l'heure du loup, les amis, ce soir, une playlist consacrée à la Russie et qui continuait avec, en guise d'introduction, ce morceau Something You Can't Forget, quelque chose que tu ne peux pas oublier. Eh bien, effectivement, je crois que tous ces derniers temps, on a vécu des choses qu'on n'est pas prêt d'oublier. La semaine dernière, je vous présentais mes vœux et je vous invitais un peu au stupre au Bacchanal, histoire de plaisanter. Hein. Vous pensez bien que si j'avais su que le lendemain, ça donnerait lieu à une tragédie, à une tuerie abominable, je me serais abstenu. En même temps, je crois que c'est pas tout à fait seulement de ma faute. Mais toujours est-il que, bon, bah, comme vous, j'ai été vraiment choqué, j'ai été vraiment blessé, même si je n'ai pas été, évidemment, comme vous, blessé au sens propre, bien entendu. Puis je vais pas me plaindre, moi je suis toujours vivant. Mais j'ai bien l'impression que c'est moi aussi qu'on a attaqué dans l'histoire. Et donc, ça faisait plaisir de voir que ce soit mercredi soir... Grâce à la rapidité des réseaux sociaux, les rassemblements sont organisés très vite et donc que ce soit mercredi soir, quelques heures après les événements, ou que ce soit dimanche dans la journée rue de la République, ça fait plaisir de voir que vous étiez une meute aussi nombreuse, mes petits loups, à protester et à vous rassembler. J'aurais jamais cru. Je me suis même surpris à avoir un petit peu d'espoir en l'humanité. Pour vous dire hein, à quel point on est tombé. Pour que moi j'ai foi en l'humanité, il faut vraiment qu'on soit tombé très bas. Et donc voilà, ben donc comme vous, j'ai été vraiment choqué par les événements récents. Je crois que c'est un petit peu, j'enfonce une porte ouverte, ça a été un petit peu le cas pour nous tous et souhaitons que ça dure. Sinon, moi j'aimais bien, je lisais jamais Charlie Hebdo, ça je vous l'avoue sans embâge. Donc je me sens pas à proprement parler Charlie, mais pour autant j'aimais beaucoup Charb et Cabu dans Le Canard Enchaîné et j'espère que ce dernier journal n'est pas le prochain sur la liste des couillons qui savent pas se servir d'une Kalachnikov. Quoi qu'il en soit, on va continuer. Donc Something You Can't Forget, c'est ce qu'on a un peu vécu récemment et par contre hein, l'actualité récente aussi avec toutes les parodies, tous les hommages, toutes les caricatures en hommage aux dessinateurs qui sont morts récemment, on a un petit peu l'impression que si effectivement ils sont décédés, l'esprit qu'ils incarnaient, l'esprit de liberté du dessin de presse en règle générale et pas seulement de Charlie Hebdo en particulier, c'est ça qu'il faut comprendre je crois dans cette expression, ce gimmick qu'on voit un petit peu partout, je suis Charlie et pour lequel peu ou prou je me sens concerné aussi alors même que j'étais pas un grand lecteur de ce canard-là, eh bien, oui, j'ai l'impression que de toute manière, quand bien même Cabu, Charb et consorts seraient décédés, eh bien pourtant ils ne sont pas morts, puisque j'ai bien l'impression que l'esprit perdure un petit peu partout sur Internet, dans les journaux, apparaître ou déjà paru. Et dans nos conversations aussi, chers amis, hein, puisque je crois que dans les échanges et les engueulades aussi, puisqu'il y en a eu, que ce soit en bien ou en mal, tout cela fait débat et perdure. Souhaitons que ça dure. Et donc, bien, il ne meurt pas. Et c'est justement l'objet de la chanson avec laquelle on va continuer. Voïvoda, un groupe bulgare. Hein, on se rapproche de la Russie. Un extrait de l'album Aramia qui était sorti il y a quelques mois. They Don't Die, tout de suite dans l'heure du loup. We'll be right back. Tel que nous l'ont enseigné nos cousins cosaques, la mamouchka est une vieille coutume de la famille Adams depuis Dieu seul sait quand. Nous avons dansé la mamouchka pendant l'incendie de Rome. Nous avons dansé la mamouchka à Waterloo. Nous avons dansé la mamouchka pour Jack l'éventreur. Et ce soir, cette mamouchka est pour toi! Motherfucker, je crois que c'est, je vous traduis pas, hein, je pense que ça se décline dans toutes les langues du monde. À l'instant, c'était le groupe Biting Elbows, et c'est enchaîné juste avant avec un groupe bulgare, celui-là, un groupe post-punk que j'aime bien, Voivoda, avec un extrait de l'album Aramia qui est sorti il y a quelques temps, et c'était le titre They Don't Die, un titre qui résonne de manière un petit peu particulière pour moi, et sans doute pour nous autres chers amis, puisque ceux qui ne meurent pas, en l'occurrence, hein, c'est ceux qui ont été lâchement assassinés mercredi dernier. Ne meurt pas au sens figuré, vous l'aurez bien compris. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Biting Elbow, c'est un groupe de Moscou. Et là, on rentre dans le vif du sujet, puisque c'est une playlist ce soir consacrée à la Russie dans l'heure du loup. Un groupe de Moscou qui s'est formé en 2008 et qui s'est fait connaître il y a 2-3 ans avec un diptyque en fait de deux vidéoclips. Un diptyque de deux, c'est souvent le cas, vous me direz. Deux vidéoclips en fait successivement qu'ils ont baptisé Insane Office Escape, et dans lequel ils mettaient en scène leur musique, donc ce mélange de rock et d'électro qui est assez proche de Prodigy. Dans ses vidéoclips, en fait, il faisait des références à la fois aux jeux vidéo, first person shooter, genre des jeux de baston, quoi, où on tire sur tout ce qui bouge, et en même temps à l'univers de Quentin Tarantino et ses films comme Reservoir Dogs, par exemple. Et donc, Insane Office Escape, c'est en fait deux vidéoclips, dont un de ce dernier morceau qu'on vient d'écouter, Bad Motherfucker, avec un gars qui essaie de s'échapper après un espèce de trafic d'objets volés, etc., qui essaie de s'échapper de bureau, mais il est coursé par une bande d'assassins avec des tronches patibulaires, mais presque, qui le coursent et qui sont habillés un petit peu comme les méchants du film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, donc en costume très classe, mais avec à peu près 12 flingues et 3 fusils dans les poches. Donc je vous laisse imaginer tout ça, bien entendu, je vous mettrai le lien de ces clips si vous avez envie d'y jeter un œil. Par contre, je vous préviens, c'est sanglant, c'est assez gore. Évidemment, je vous mettrai tout ça sur le Facebook de L'Heure du Loup, facebook.com/L'Heure du Loup, tout attaché. Lien que vous pouvez aussi, bien entendu, retrouver sur le site d'Osmose Radio, chers amis. Voilà. Un autre groupe qui fait des vidéoclips intéressants, c'est dans un style musical un peu différent, c'est le groupe Necrostellar, un projet musical qui est emmené depuis le début des années 90 par un gars, toujours lui aussi de Moscou, qui s'appelle Yuri Zvenniev, et sa collègue Natacha, j'aurais du mal à vous donner son nom, et au sein de ce projet musical, Necrostellar, qu'ils font depuis quelques temps, j'ai découvert de belles perles de musique électronique comme l'extrait qu'on va écouter ce soir, un titre très inspiré par la science exacte et la science expérimentale, tout autant que la science-fiction. Des fois j'ai un petit peu l'impression la science-fiction un petit peu passée de date, un petit peu vintage, un petit peu rétro, hein, pour résumer. Et donc c'est le groupe Necrostellar qui met ça en musique, avec notamment le morceau écoutez tout de suite, Tachyon Spiral. Tachyon Spiral, par le groupe Necrostellar, un groupe de Dark Wave, donc un groupe de musique avec beaucoup de synthé et de boîte à rythme, vous l'aurez compris, qui est originaire de Moscou, et donc c'était un extrait d'un album qu'ils avaient sorti à la fin des années 90, donc Tachyon Spiral. Pour l'anecdote, les tachyons, ce sont des, en sciences exactes, en sciences physiques, ce sont des particules qui auraient la particularité de diminuer de masse en allant plus vite que la vitesse de la lumière. Oui, c'est purement expérimental, parce qu'en fait on n'a jamais pu en observer, et moi-même je serais bien incapable de vous dire à quoi ça correspond et quelles propriétés ça peut avoir, mais bon, toujours est-il que, pour résumer ainsi, hein, les scientifiques, ça les fait triquer. Donc que ce soit chez nous ou que ce soit en Russie apparemment. Et donc Tachyon Spiral, ben voilà, c'était aussi un titre du groupe Necrostellar que j'avais envie de vous faire écouter tout de suite. On va aller vers des styles musicaux un petit peu différents, tout en restant dans ce côté science-fiction un petit peu rétro que j'aime bien et pour lequel les Russes, manifestement, que ce soit par rapport à leur passé soviétique dans le cinéma ou dans la littérature, ou bien par rapport effectivement à la préoccupation du futur qu'on peut tous avoir aujourd'hui, eh bien, manifestement, les Russes ne sont pas en reste, et notamment c'est le cas avec un jeu vidéo qui avait été sorti, qui avait été élaboré par un studio ukrainien qui s'appelait Stalker. Alors Stalker, c'est quelque chose qui pour les Russes et les Ukrainiens a déjà une résonance particulière, puisque à l'époque de l'Union soviétique, c'était le nom d'un film qui était tiré d'un roman d'ailleurs, je crois, un film de science-fiction dans les années 60-70 qui était assez tordu d'ailleurs, je crois me souvenir, et ça a été repris notamment ce terme pour un jeu vidéo qui est un jeu vidéo fantastique en fait, dans lequel on se retrouve dans la zone interdite de Pripyat, vous savez, celle qui a été évacuée après le tristement célèbre accident de Tchernobyl en 1986, et donc dans ce jeu vidéo un petit peu tordu lui aussi, on affronte des monstres post-apocalyptiques dans une ambiance post-apocalyptique qui ont manifestement absorbé un petit peu trop de radiation des bestioles qui ont un petit peu souffert de la radioactivité ici-bas. Donc voilà, si vous êtes amateur de ce genre de choses, c'est quelque chose que je vous recommande. Le jeu était sorti il y a quelques années déjà, et il était notamment à cause de cette ambiance un petit peu sordide, il était assez intéressant, et aussi pour sa bande originale dans laquelle intervenait le groupe ukrainien Firelake. Donc l'Ukraine, la Russie, on sait que ils ont été en bisbille toute l'année 2014 et même un petit peu avant. Ça faisait bizarre d'ailleurs de voir des officiels des deux camps, hein, je dis bien les deux camps, qui ouvraient le défilé à Paris dimanche, mais bon, on va dire que c'était la trêve, après la trêve des confiseurs, c'était la trêve du dessin de presse pour l'occasion, ce qui est assez ironique d'ailleurs quand on pense à la condition des journalistes dans les deux pays susnommés. Enfin bref, je vais pas polémiquer sur le sujet. Et donc Firelake est un groupe de métal de Kiev qui a composé quelques morceaux pour la bande originale de ce jeu vidéo Stalker, dont je vous propose d'écouter un extrait tout de suite, un extrait de cette bande originale de ce jeu post-apocalyptique assez troublant et qui se caractérisait notamment par une excellente bande originale. Tout de suite, Firelake avec le titre Fighting Unknown. Avec le titre Off Sien, à l'instant, c'était enchaîné juste avant avec Fire Lake, un groupe ukrainien, celui-là, et le titre Fighting Unknown, qui est un extrait de la bande originale d'un jeu vidéo que je vous recommande, Stalker, qui se passe dans la zone interdite de Pripyat, où on affronte des monstres dans une ambiance un petit peu glauque et avec un compteur guéguerre, histoire de mesurer la radioactivité alentour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant dans ce monde post-soviétique, post-apocalyptique et dans cette émission de radio consacrée au rock et à la New Wave. Vous êtes bien dans l'heure du loup sur Osmose Radio, les amis. On est encore ensemble pour une petite demi-heure ou on va dire 20 bonnes minutes de musique. Et à l'instant, donc, c'était d'autres groupes de cette playlist consacrée à la Russie ce soir, avec l'imminence et l'approche du nouvel an orthodoxe, du nouvel an russe ce week-end. Et ce, malgré les événements tristes de la semaine dernière qu'on a vécu, et j'avais pas envie de faire l'impasse là-dessus. Et on vient d'écouter deux groupes de métal, un ukrainien et l'autre russe, Nevid, un groupe de Moscou, qui sur l'album Yarga en 2007 sortait ce titre qu'on vient d'écouter, Off Sien. C'est un groupe de folk metal. Il y a eux, il y a Nevid, il y a Arkona que je vous avais passé il y a quelques temps aussi. Ils ont quelques groupes comme ça, les Russes. Faut dire qu'ils ont un patrimoine folklorique et culturel assez riche en la matière pour mélanger et la musique métal et la musique folklorique. Et quand les deux se mélangent, moi j'adore ça. Et donc j'avoue avoir un faible pour ce genre de groupe, comme celui qu'on vient d'écouter, Nevid. On va rester un petit peu dans le même style musical. On va évoluer un peu néanmoins avec le groupe Eritas Garden, qui lui n'est pas de Moscou, qui a 600 km à l'ouest, quelque chose comme ça, à l'est, pardon, quelque chose comme ça, mais 600 km à l'échelle de la Russie, hein, on est d'accord, c'est pas grand chose. Et pourtant, son originaire d'Ijevsk, c'est à l'entrée de la Sibérie, on va dire, c'est le groupe Eritas Garden, que j'ai découvert il y a quelques années avec un très beau clip là encore et une musique qui m'avait touché avec le titre Dead Sea. Alors Dead Sea, la mer morte, je sais pas du tout s'ils se sont inspirés du triste cas de la mer d'Aral et bientôt peut-être de la mer Caspienne, vous savez ces mers intérieures du continent eurasien qui ont été tellement exploitées par l'économie planifiée soviétique qu'en fait elles ont été quasi asséchées. Et la mer d'Aral notamment, vous avez des installations des fois portuaires qui sont complètement rouillées depuis 20 ans et qui ne servent plus à rien puisque la mer est désormais 20 km plus loin. C'est complètement ridicule quoi. À force de planifier des cultures de coton qui étaient absolument pas indispensables, c'est vrai que l'économie, le pouvoir soviétique est à l'origine d'une belle catastrophe écologique là encore. Mais bon, c'est comme ça. Ça aurait pu se passer ailleurs aussi, vous me direz. Et donc, Heritage Garden s'est peut-être inspiré de ce triste cas de figure pour le titre Dead Sea que je vous propose d'écouter tout de suite. Alors, Heritage Garden, c'est un groupe qui se définit comme post-metal, post-hardcore, post-rock. Manifestement, ces jeunes gens ont besoin de se sentir post quelque chose. Toujours est-il que entre deux hurlements, ils ont des lignes mélodiques et des belles ambiances atmosphériques très agréables que je vous propose de goûter tout de suite en vous y plongeant avec moi dans cette mer morte, mais dans laquelle pourtant on se sent très bien. Heritage Garden, Dead Sea. Thank you. thousand miles have been created by ourselves. We have buried down. And I want to learn. Forgive. And I want to dream. To hear your voice forever clean. It's your side. Летними сугробами библейских анекдотов, похотливых православных и прожорливых католиков, покинутых окопов и горящих муравейников. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Затопленными толпами, домами, площадями, многолюдными пустынями, зловонными церквями, раскаленными хуями и голодными влагалищами. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Сквозь зеркальные убежища, словарные запасы, богохульные мыслишки и непропитые денежки, обильно унавоженные кладбища и огороды. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Я кроме нежная, пронзительная, хищная, отчаянная стая голосит во мне. Воробьиная, кромешная, пронзительная, хищная, отчаянная стая голосит во мне. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Сугробов, лазаретов, пяти контрапов, стихов, медикаментов, хлеба, зрелищ обязательных, лечебных, подземельных процедур для всех кривых, горбатых. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Истошная, оскаленная, хриплая, неистовая стая голосит во мне. Воробьиная, истошная, оскаленная, хриплая, неистовая стая голосит во мне. Воробьиная, истошная, оскаленная, хриплая, неистовая стая голосит во мне. Воробьиная. Grajdanskaya Oborona avec le titre Veshnaya Vesna, et s'est enchaîné juste avant avec le groupe Erida Asgarden avec le titre Dead Sun. Grajdanskaya Oborona, c'est un groupe originaire d'Omsk à la frontière du Kazakhstan qui s'est créé en 1984, mais à l'époque ils n'avaient pas pu faire grand chose parce que le chanteur Igor Letov avait eu des tas d'ennuis avec le KGB qu'il avait foutu en hôpital psychiatrique. Comme il jouait de la musique décadente de l'Ouest, il avait été considéré comme malade mental. Voilà, c'était comme ça en Union soviétique à l'époque d'Andropov. On les foutait plus au goulag, on les foutait à l'hosto. Pour l'anecdote, Grajdanskaya Oborona, ça veut dire défense civile, et bon, ben, à l'époque, en 1984, alors que tout le monde s'attendait à ce que le camp adverse fasse une attaque nucléaire préventive, le concept de défense civile, évidemment, ça prenait tout son sens. Dieu merci, ça a bien changé. Pourquoi je dis Dieu merci? Dieu est une idée dont on devrait se défaire, j'ai l'impression, d'après l'actualité récente. Et donc, pour l'anecdote, là encore, Veshnaya Vesna, en fait, ça veut dire éternel printemps, en russe. Éternel printemps, ben, c'est ce qu'on souhaite à tous les dessinateurs de presse du monde entier, de France, de Navarre et d'ailleurs, et c'est eux qui dessinent, et à nous aussi d'ailleurs, on se souhaite un éternel printemps parce que c'est eux qui dessinent et c'est nous qu'on rigole. Voilà. On a commencé à Moscou cette playlist, on l'a continué à Ijdesk et on est là à Omsk, et ben je vous propose d'aller encore plus loin pour conclure cette émission ce soir de l'heure du loup, chers amis, qui était une playlist consacrée à la Russie à l'occasion du nouvel an russe qui aura lieu ce week-end, donc dans des cabarets à droite à gauche il y a souvent des soirées qui sont organisées sur ce thème là si la démarche vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner et faites-vous plaisir. Et à Avignon, il y a quelques soirées, notamment sur le thème ce week-end. Alors, pour conclure, disais-je, je vous propose d'aller encore plus loin en Orient et de vous parler d'une époque où l'Orient et l'orientalisme suscitaient plus de fascination que de peur ou de crainte morbide, comme c'est le cas aujourd'hui, donc avec la triste actualité qu'on a vécue la semaine dernière par rapport à ces terroristes soi-disant musulmans, hein, autoproclamés, permettez-moi d'en douter. Quoi qu'il en soit, donc, à une époque où l'orientalisme était quelque chose qui fascinait, notamment à la fin du 19e siècle, avec les compositeurs romantiques, tout ça, eh bien, c'était notamment le cas en France, hein, chez nous, mais aussi en Russie, avec notamment le compositeur Nikolaï Rimsky-Korsakov, qui, dans les années 1870-1880, mettait en musique les contes des Mille et Une Nuits, avec Scheherazade, qu'il a magnifiquement adapté en musique. Et je vous propose de nous quitter avec cette interprétation de l'Orchestre Symphonique de Montréal. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Je vous laisse, pour conclure cette playlist consacrée à la Russie, avec ce chef-d'œuvre de musique classique de Nikolaï Rimsky-Korsakov, Scheherazade. Passez une bonne soirée.